cours numéro 34. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalam ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Madha akhadna fi darsina al-akhir? Akhadna fi darsina al-akhir babayn, bab man jahada shay'an min asma'i wa sifat, wa bab ala ma ja'a fi man نعم باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات كذلك نقرأ الباب suivant. لماذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب هنا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات pourquoi l'auteur عليه رحمة الله il a cité ce chapitre في كتاب التوحيد عند من تفضل عند من جهد شيئا من الأسماء والتفسير نعم أن الأسماء والصفات ça fait partie du توحيد توحيد الأسماء والصفات فمن جحد هذه الأسماء أو هذه الصفات لا شك أنه سيكفر بالله سبحانه وتعالى on avait فصل détaillé في هذا الباب على كل حال ça annule التوحيد celui qui يرد يكذب أما التفصيل في غير الجحود أما هنا قوله من جحد شيئا من الأسماء والصفات فلا شك سيدي كفرها أما celui qui interprète أول يحرف à cause d'une شبهة هذا تقدم معنا التفصيل والباب الذي بعده تفضل المؤلف ذكر هذا الباب ليبين الوجوب إفراد المنعم بشكر النعمة نعم أحسنت يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا الباب مهم أي شكر النعم وهذا إن شاء الله نتطيّع أكثر اليوم avec le chapitre suivant لأن ça ressemble c'est la même مسألة لولا فلان لم يكن كذا et vous allez voir que dans ce bab il y a plusieurs exemples فإن شاء الله on détaillera في هذا الباب من يريد يقرأ avant qu'on commence بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من اسماء من جحد شيئا من اسماء وصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الايه في صحيح البخاري قال علي حديث الناس بما يعرفون لا تريدوا ان يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن عمري عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس انه راى رجلا يتقضى لما سمع فقال ما فرقوا ها هنا يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه ويهلكون عند متشابه انتهى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكاروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن أحسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ce chapitre c'est la suite du chapitre précédent فلهذا قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هذه الأبواب ce chapitre celui du درس précédent وهذا والذي بعده كذلك tous ces chapitres c'est sur الشرك باللسان Aïe, c'est des paroles qui sont prononcées wa fiha shirkun. Et la base, c'est que c'est du shirk asghar. Kal halif bi ghayrillah wa qul ma sha Allah wa fulan wa lawla fulan ma kana kadha. Et ça yati insha Allah fi kalam ibn Abbas des beaucoup d'exemples radiyallahu anhu fi hadha. Wa ala kulli hal, comme a dit le cheikh Al-Fawzan, أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى. On doit faire attention de ne pas faire du mal à notre tawhid بمثل هذه الألفاظ, avec ce genre de phrases. ونبه هنا ولو الإنسان لم يقصد, même si c'est pas avec une mauvaise intention أنه يقول هذا ولا شك أن المسلم quand il dit هذا c'est en général c'est بسبب الجهل أنه il connaît pas la gravité de هذا الكلام. لكن إذا نبه سي واحد من إخوانه لكم سيف يترك هذا كم جوغي par أترك الله أو le fait de dire لولا كذا ما حصل كذا et oublier de citer رب العالمين كما تقدم dans le درس précédent. فهذا c'est من الشرك في الألفاظ. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, قال العلامة الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد, وفيه بيان أن هناك الفاظ فيها التنديد, والتنديد معناه كيسكنو غابل معنى التنديد تقدم معنا مثل هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يونا بدي أن الأنداد جمع ماذا؟ تفضل. جمع ماذا؟ سي لو بلوريال دو ماذا؟ نعم الند. الانداد سي لو بلوريال دو الند. ومعناه تفضل. ما هو الند؟ لا باس. نعم لكن الشرك لا باس. الشريك المثيل. فلا تجعلوا لله ندا او اندادا اي شريكا او شركاء اي des associés des égaux, وهذا لا يجوز. فهنا شيخ الاسلام وتنبه الى cité ce verset pour démontrer بعض الالفاظ اي certaines paroles qui sont prononcées من بعض الناس et c'est le shirk. فالشيخ صالح قال حفظه الله والتنديد معناه أن تجعل غير الله ندا له أي شريكا, فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الله ويكون في الحلف بغير الله إلى آخره. مثلا إضافة النعم صدوات لله عز وجل, لأن الله عز وجل سلوي المنعم سلوي كدا وما بكم من نعمة فمن الله. فالسلوي الذي يضيف نعمة إلى غير الله لا شك سلوي الشرك. وهكذا الحلف جوري, celui qui jure il doit jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, فcelui qui jure par autre qu'Allah وقع في التنديد أي في الشرك. فcest ça مناسبة هذه الآية للباب, أي المراد هنا بالأنداد c'est pas forcément الشرك الأكبر, لا ça peut être كذلك الشرك الأصغر. قال فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ, والتنديد هنا المراد بها التنديد الأصغر. دونك استفدنا ولله الحمد أن التنديد ça peut être du تنديد أكبر أي شرك أكبر, وتقدم معنا كثيرا هذا. Et ça peut être كذلك تنديد أصغر أي شرك أصغر. Et c'est ces chapitres qu'on étudie ensemble. Jurer par autre qu'Allah, dire Masha'Allah wa fulan ila akhir. Qala, wa laysa at-tandid al-kamil alladhi huwa ash-shirk al-akbar. Na'am. Donc, bien comprendre pourquoi Cheikh al-Islam il a cité ce verset huna, fala taj'alu lillahi andadan, fa sanahi 'an ash-shirk al-akbar wa al-asghar. Fa tout ce qui est min khasa'is Allah subhanahu wa ta'ala, kad-du'a والذبح والصلاة والاستعانة والاستغاثة والمحبة والخوف إلى آخره, c'est des ibadat lillah. Man ashraka ma'allah subhanahu wa ta'ala fi shay'in min hadhihi al-ibadat waqa'a fi at-tandid fi shirk. Celui qui adore autre qu'Allah, même s'il adore Allah, fala shak anna il a pris cet autre comme associé, niddan. Hadha shirkun akbar. Taqaddam, c'est tous les chapitres qu'on a vus, walillahi alhamd, ensemble depuis le début de ce livre, Kitab al-Tawhid. Wa hakadha ba'd al-umur ka idafat an-ni'am wa al-halif, et certaines paroles, on n'a pas le droit d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala un autre. Mathalan, jurer. Pardon, ils jurent sur leur mère. Là, il y a jouze. Limada li anna al-halif. Et, ça y a t'y hada ma'ana, inshallah. C'est que par Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas le droit de jurer par autre. Enfin, celui qui jure par autre, waqa'a kadhalik fi tandid. Lakin, c'est du shirk asghar. هذا خلاصة الكلام عن هذه الآية pourquoi il l'a cité هنا. ثم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأمداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء أي صخرة سوداء. وهذا مثال pour démontrer أن الشرك قد يكون خفيا. لماذا لأن أكوز دو لينيغونس كثير من الناس يقعون فيه. C'est pour ça que هنا في هذا الأثر قال هو الشرك ثم il a expliqué هذا الشرك أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل أي c'est les pas d'une fourmi. على صفات سوداء صخرة سوداء sur une pierre noire في ظلمة الليل أي en pleine nuit. هذا الغاية في الخفاء. أي pour décrire quelque chose qui n'est pas clair, ce mithal c'est الغاية. أي c'est quelque chose de clair pour montrer أن هذا الشيء il est خفي. Une fourmi qui marche sur une pierre noire en pleine nuit. Fallait tracer les pas de cette fourmi. لا لا يراهم إلا الله سبحانه وتعالى. C'est quelque chose de خفي. Ibn Abbas, on a compare le shirk bihada pour vous montrer que قد يكون خفيا فيقع فيه كثير من الناس. لكن أهل العلم, et ceux qui donnent du temps à l'apprentissage de هذا العلم النافع التوحيد ومن وفقهم الله سبحانه وتعالى, فpour eux هذا الشرك il est أوضح من الشمس en plein jour. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. هذا سيأتي معنا حلف بغير الله جوري par autre qu'Allah. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. وهذا تقدم معنا dans le درس précédent. الكليبة هنا تصغير الكلب. تصغير الكلب et on a expliqué dans notre درس في النحو التصغير. التصغير مثلا هنا كلب كليبة تسمى على وزن فعيل كطفيل وعمير. أي سي pour citer une chose من باب إما الرحمة ما الاحتقار إلى آخره. المهم كليبة هنا سي للتصغير دو الشيء, أي حتى لا يشكل عليكم هنا سي أشياء. فلولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. لأتانا اللصوص. اللصوص c'est les voleurs. Et s'il n'y aurait pas eu le chien, كلب حراسة par exemple, un chien de garde, les voleurs ils auraient pénétré dans la maison et ils auraient volé كذا وكذا. فهنا في الحقيقة ils ont cité إلى هذا القائل إلى cité السبب. لكن من حفظ هذا المال أو هذا البيت أو هذا المسلم هذا العبد c'est الله سبحانه وتعالى. أما هذا الكلب c'est un sabab. Enfin, le fait de le citer, oublier de citer Al-Mun'im, celui qui a qadr hada shay, Allah subhanahu wa ta'ala, hada c'est min al-shirk fi al-alfaz. Wa hada yaqa' fihi kathiru min al-nas. Et c'est exactement le chapitre qu'on avait étudié ensemble dans le bab précédent. Qawl Mujahid, lawla fulan lam yakun kada. Qawluhu wa lawla البط في الدار لأتى اللصوص. كذلك البط الطير المعروف. Enfin, c'est la même chose. Voilà. S'il n'y aurait pas eu tel oiseau, ou le misal précédent, s'il n'y aurait pas eu le chien de garde, enfin, il y aurait eu kada wa kada. Wa qawlu ar-rajul li sahibihi ma sha Allah wa shi'at. Wa inshallah sayati un bab après celui-là ou après n'am dans deux bab sayati un bab khas fi ma sha Allah wa shi'at. Wa qawlu ar-rajul lawla wa lawla aw lawla fulan lawla Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan hadha kulluhu shirk. Rawahu Ibn Abi Hatim. Hadha fi dha'f kama nabbaha بعض المحققين لكن معناه لصحيح والشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في كتاب الإيمان لأبي عبيد رحمه الله فهذا الأثر فيه ضعف لكن معناه لا شك إليه صحيح فنستفيد من معناه أما نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما ففيه نظر وبعض العلماء يحسنه نعم قال في الحاشية وقال الشيخ سليمان في تيسير العزيز وسنده جيد والذي يظهر إلى ضعيف لكن معناه إلى صحيح قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فالحلف بغير الله من الشرك الخفي الذي يجري على ألسنة كثير من الناس ثم قال والحلف بغير الله شرك أصغر فلهذا العلماء يقولون خفي لماذا؟ لأنه يقع فيه كثير من الناس بعض الناس يتكلمون يبارل avec ce genre de كلام et pour eux كأنه c'est un كلام مباح et ça nous montre l'importance de النصيحة في هذا الباب كم من المسلمين ils se sont habitués à jurer par autre qu'Allah إما par le Kaaba إما par leurs parents إما par leur vie et هذا c'est du shirk لكن ils ont tellement pris l'habitude c'est devenu quelque chose de normal. وعلى من وفقه الله سبحانه وتعالى لطلب العلم خاصة هذا العلم النافع التوحيد وينبه إخوانه أن هذا من الشرك même si c'est du shirk أصغر لكن ça fait du mal au tawhid ça fait diminuer l'iman au tawhid قوله لولا كليبة كذا قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله في التمهيد يعني لا تقل لولا الله وفلان بل قل لولا الله لحصل كذا هذا هو الأكمل vous allez voir que هنا il y a des درجات il y a une درجه c'est l'akmal أي le mieux c'est que tu dises لولا الله وحده سبحانه وتعالى لماذا لأن الله c'est lui qui a créé cette chose c'est lui qui a décrété c'est lui qui est capable de tout de préserver إلى آخره أما المخلوق مهما فعل سرست مخلوق qui a fait un sabab et Allah subhanahu wa ta'ala il aurait pu faire cette chose préserver cette chose sans ce sabab فالأكمل le mieux c'est de dire لولا الله s'il n'y aurait pas eu Allah subhanahu wa ta'ala il y aurait eu كذا ça montre كمال التوحيد ça c'est الدرجة الأكمل قال فالذي ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله فظهر لنا هذا أن تمت درجتين كاملة وجائزة دونك يا دوكا وتقدم معنا من كلام شيخ ابن عثيمين شيخ ابن عثيمين il a ajouté un troisième cas دونك يا plusieurs cas le fait de dire لولا فلان هنا on parle نحن bien sûr من جهة السببية أما سي بونس كو سي هذا الشيء هذا المخلوق يتصرف في الكون مثلا بعض القبوريين المشركين يدي سي يوغي با يو لو شيخ لولا الشيخ أو سيدي فلان السيد كي ايتي انتيغي الله أعلم متى ففلان يوغي با ايتي غيري هذا فيه اعتقاد فيه اعتقاد أن هذا المخلوق يتصرف في الكون أي إيبو غيري il peut aider alors qu'il est meyyit hada c'est du shirk akbar lakin al murad huna wa ghalib al nas amat al nas quand il prononce hada on parle min al muslimin la ya'taqidun fi hada al sabab annahu yatasarraf la eux quand ils disent s'il n'y aurait pas eu fulan ay c'est une cause faqat amma si tu leur demandes qui c'est qui a préservé mathalan cette maison ou cet enfant enfin si c'est un musulman il a la conviction que c'est Allah. Alors, on va parler de الشرك الأصغر. أما الأكبر تقدم معنا dans le درس précédent. Donc il a cité plusieurs cas. قال أولا فالدرجة الأولى وهي الكاملة أن تقول أو أن يقول لولا الله لما حصل كذا. Ça c'est الأحسن. Tu dis لولا الله, s'il n'y aurait pas eu Allah subhanahu wa ta'ala, مثلا mon enfant il n'aurait pas été guéri. Ma maison elle n'aurait pas été préservée. وهكذا. هذا سامونتر اعتقاد ثابت اي قلب كي نبا في غفله انه دائما يسغبل كسي الله سبحانه وتعالى المنعم سي الله سبحانه وتعالى كي دن كي بخزر عز وجل. دوزيامون الدرجه الثانيه وهي جائزه ان يقول لولا الله ثم فلان لما حصل كذا. اي هنا vous avez remarqué que هنا ذكر حفظه الله حرف ثم يفيد الترتيب أي الله سبحانه وتعالى أولا ثم ensuite فلان. ça montre bien que هذا المخلوق c'est un سبب, هذا c'est جائز, هذا c'est permis. قال فهذه جائزة وهي توحيد لجعله مرتبة أو مرتبة فلان نازل عن مرتبة إنعام الله. نعم, le fait de dire ثم, ça montre bien qu'il a une aqida أن cette créature c'est seulement une cause. فهذا ça contredit en rien التوحيد et c'est permis. Et on a vu un autre cas dans le درس précédent. عندما قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. شيخ ابن عثيمين il a cité ce hadith et il a démontré que من جهة الخبر c'est pour informer. الخبر il est صادق et bien sûr l'insan il sait que هذا المخلوق c'est qu'un سبب فلا بس, il n'y a pas de mal. لكن هذا ça arrive أحيانا, لكن غالب أحوال المؤمن الموحد c'est qu'yudhif an ni'ma ila Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit, il a dit lawla ana, il n'a pas cité Allah azza wa jal, ça montre que c'est permis. هذا. Et avec les autres ahadith fi hadha al-bab tastafid que al-afdal c'est de dire lawla Allah, et si tu dis lawla Allah thumma un tel, c'est jaiz. هذا سي حكم هذا الباب اي سي لو ميم كو لو باب بريسيدون. قوله و avant de passer نعم قول حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان كثيرا من الناس يزون مثل هذه العقائد انهم يزون انيمال chez eux et ils pensent que cet animal c'est lui qui la maison elle est préservée بسببه. Tout ça c'est minal khurafat, si c'est pas un sabab haqiqi. Amma si c'est un chien de garde il a akhiré et c'est vraiment un sabab, fa fi hadha al hal le tafsil qu'on a cité, même s'il a été la cause matalan de repousser un voleur, va nudhif an ni'ma ila Allah azza wa jalla awwalan. Amma ahyanan al ba'd yizun un aqida sur un animal qui n'a aucune qudra, c'est pas un sabab haqiqi. مثلا دي بواسون او une tortue ويعتقدون فيها مثلا sur بعضهم يزون عقيده sur les tortues ou sur tel poisson انه يporte bonheur او يpréserve cette maison عيادا بالله. tout ça c'est من الخرافات, c'est من الشرك بالله عز وجل. et على التفصيل السابق comme on a vu dans les abwa précédents sur التميم, s'il pense que c'est qu'un sabab, هذا c'est du shirk. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى في القران وفي السنه il n'y a pas ce sabab qui est cité pour préserver. Abadan. Et كذلك aqlan wa hissan. Un poisson, une petite tortue, qu'est-ce qu'elle peut faire face à un voleur? Wala shay, contrairement à un chien مثلاً. Al-insan yantabih. On fait attention à toutes ces croyances qui sont propagées. C'est pour ça que c'est très très important d'étudier hadith al-abwa. Et c'est très très important de les propager. Obama, certains parents, certains frères, certains cousins, certains voisins, ils sont à la hal. Shirkun fil alfad, khurafat. Ils pensent que telle chose ça préserve et ils oublient al-mun'im, al-khaliq, al-qadir, subhanahu wa ta'ala. Et ils s'éloignent des asbab kadhalik, shar'iyya, al-Qur'an, wal-athkar. Et كذلك الاسباب الصحيحه pour préserver. Hada, tu le trouves hada fi كثير من الناس, ils sont éprouvés par الشياطين, ربما ils sont touchés par un shaitan, fait tombe malade il a arrêté, il délaisse les causes, il s'accroche à certaines choses qui n'ont aucune utilité. بعضهم يمون voir des sorciers, بعضهم يمون voir des djaloun, et ils leur disent de lire telle chose, de porter telle chose, et ça leur fait que du mal. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va voir un sorcier, il croit ce qu'il dit, c'est du kufr, ça fait sortir de l'islam. Haoula mathalan, celui qui a été éprouvé par hadha shay, awlan, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Thanian, il fait des efforts fi قراءة القرآن في الأذكار في طلب العلم يpatient كذلك face à cette épreuve ويعلم أن هذه الدنيا صدار ابتلاء. Il est éprouvé فقط. Il est malade aujourd'hui, fait demain il guérira بإذن الله. أو après demain, أو dans un mois, أو يموت. On قدره أنه يموت على هذا الحال. يوم القيامة c'est le jour de justice. Allah سبحانه وتعالى ربما يرحمه ويغفر له à cause de cette injustice qu'il a subie par ce shaitan. Amma perdre son din, ayyadan billah, perdre son iman à cause d'une maladie ou à cause de l'injustice d'un mujrim, que ce soit un shaitan min al-insa ou min al-jin, hada c'est pas min al-tawfiq. La cause c'est quoi kathiran? C'est al-bu'd, le fait de s'éloigner ani al-tawhid, s'éloigner de l'apprentissage de hadha al-bab al-azim. Vous avez remarqué que la plupart des choses elles sont liées au tawhid. Enfin, celui qui est qawi fi hadha al-bab, et il met en application bien sûr, ça va lui être utile pour beaucoup de choses. Il n'aura plus peur des khurafat. Kama taqaddam ma'ana fi bab at-tayara. كذلك tu vas le trouver, il est qawi, ya'tamid 'ala Allah wa yatawakkal 'alayh wa yu'min bil qadar. Il a la croyance au destin et place sa confiance en Allah. Là, tu le trouves, il n'a plus peur. Min al-makhluqat, min al-jin. Et quand une épreuve elle le touche, il est prêt. Il sait que c'est min qadarillahi subhanahu wa ta'ala, wa la'alla c'est min al-khayr. Wallah subhanahu wa ta'ala yurid li'ibadihi al-khayr. On doit faire des efforts kathiran fi hadha al-bab. Qala wa an Umar. Wa huna il a rajouté ibn. أما في بعض النسخ عن عمر بن الخطاب إنسان خطأ الصواب ما أثبته هنا عن ابن عمر فالحديث إلى عن ابن عمر رضي الله عنه لفز عمر قال وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم هذا الحديث إلى il est sahih bi shawahidih, بعض العلماء ضعفوه. لا شك ان dans certaines chaînes de transmission il y a des ilal ضعف, لكن d'autres hadith ils appuient هذا الحديث, فالصواب c'est qu'il est sahih. و صححه الامام الالباني رحمه الله في صحيح الجامع اما في الحاشيه. قال الشيخ بن باز رحمه الله وهذا من الشرك الاصغر وقد يكون من الأكبر. الحلف بغير الله سمن الشرك الأصغر. C'est ça la base. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لماذا؟ لأن c'est un lafz et ça fait partie de l'alfaz qui rentre في ou dans le shirk asghar. نعم. Ça veut pas dire que tous les alfaz c'est du shirk asghar. لا. تقدم معنا certains alfaz c'est du shirk akbar. مثلا دعاء غير الله سبحانه وتعالى. Demander à autre qu'Allah dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut. هذا أولا. ثانيا الشيخ بن باز رحمه الله فهذا قال وقد يكون من الأكبر. الحلف بغير الله ça peut devenir du shirk akbar. عيادا بالله. متى؟ قال رحمه الله إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به له شأن ويتصرف في الكون ويستحق أن يعبد من دون الله عيادا بالله. أي إذا كان مع هذا الحلف تعظيم. مثال: بعض الناس كما بين الإمام الشوكاني رحمه الله أنهم يجور par autre qu'Allah, voilà, yubaloun. Que ça soit quand ils disent la vérité ou quand ils mentent. Yahlifoun bighilillah. Ou yahlifoun plutôt billah. Ils jurent par Allah. Quand ils disent la vérité, quand ils mentent. Voilà, yubaloun. Ahyanan, maintenant, ils vont jurer par Allah pour un profit de dunya. Et ils vont mentir. Lakin, vu que maintenant, ils vont faire le commerce avec un musulman, ou ce musulman yattaqillah, et quand il entend wahid, il jure par Allah, il le croit. Tu vas trouver هذا الرجل يحلف, il jure par Allah. C'est du shirk asghar. Lakin ça peut devenir du shirk akbar. Mata, si il jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu lui demandes de jurer par autre qu'Allah quand il ment, il ne peut pas. Hada, ça montre annahu, il a élevé ce makhluk. Si on prend un exemple, مثلاً, on lui demande de jurer par Sayyidi Fulan. مثلاً, un mort mu'azzam inda al-khurafi. Quand il dit la vérité, il va jurer par Sayyidi Fulan. Il va dire, je jure par un tel que telle chose, c'est la vérité. Tamam, il dit, le haq, c'est du shirk asghar, c'est ça la base. Ça peut devenir du akbar si on lui demande de jurer par un sayyid et il sait que c'est un mensonge, enfin il ne peut pas. Il dit là, Anna, je ne jure pas. Si on lui demande jure par Allah, il va jurer, même s'il ment. Vous avez remarqué que quand il va jurer par Allah, même s'il ment, il va jurer. لماذا؟ لأنه لا يعظم رب العالمين. لكن المصيبة, c'est si on lui demande jure par Sidi Fulan, vu qu'il le عظم, il ne peut pas. لماذا il ne peut pas؟ لأنه يخاف منه ولأنه يعظمه كأنه سيجور par Sidi Fulan en mentant, il va être châtié. C'est du shirk akbar. C'est pour ça que Cheikh Ibn Baz رحمه الله قال إذا قام بقلب الحلف أن هذا المحلوف به له شأن ويتصرف في الكون كأنه سيجور par le Sayyid en mentant, il peut se faire châtier. Alors que le Sayyid, il est mort ربما il y a un siècle. Cette aqidah qui l'empêche de jurer par un Sayyid en mentant, ça montre que quand il jure par un Sayyid, c'est du shirk akbar. Iyadam billah. L'imana, en jurant par autre qu'Allah, kadalik dans son cœur, il y a du ta'zim. Hatta rubbama, il respecte plus hadha al-makhluq que Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il se permet de mentir en jurant par Allah, alors qu'avec un Sayyid, il ne peut pas. Iyadam billah. Al-hadar. لكن أكثر الناس غالب الناس quand ils jurent par autre qu'Allah, il n'y a pas d'i'tiqad. بعضهم ils jurent sur leur tête, بعضهم ils jurent sur leurs parents, بعضهم ils jurent sur le Kaaba. بعضهم c'est devenu automatique. حتى si tu lui demandes le ma'na, ma yadri. فهذا c'est du shirk asghar. Donc la conclusion, c'est que la base, c'est du shirk asghar. Quand واحد il jure par autre qu'Allah, et ça peut devenir du shirk akbar, iyadam billah, dans un cas. Et Cheikh Ibn Baz, il l'a cité et on a essayé de le simplifier. Walillahi alhamd. Et il y aura des autres abwab fi al-halif. Vous avez remarqué que ce bab, c'est des exemples. Des exemples fi al-shirk fi al-alfal. Tu as al-halif fi ghayrillah, tu as qawl masha'allah wa fulan, tu as qawl lawla fulan la kada, la hasala kada. Tout ça, c'est min al-shirk fi al-alfal et on a cité شيء من التفصيل. ثم vous allez voir des autres abouab dans ce livre إن شاء الله تعالى في قول ما شاء الله والشيت إلى آخره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر عن ابن مسعود إلى صحيح لكن عن عبد الله بن عمر. Cette phrase, elle est sahiha, un sahabi l'a vraiment dit, lakin, الذي يظهر, c'est que c'est Ibn Umar. رضي الله عنهما لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا أي يقول هنا رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أي c'est préférable pour lui de jurer par Allah et mentir que de jurer par autre qu'Allah et être véridique. لماذا؟ نعم أحسنت والشرك c'est plus grave que المعصية. ça montre l'importance de s'écarter من الحلف. بعض الناس كأن عندهم c'est quelque chose de pas grave. لا, si c'est du shirk c'est que c'est grave, même si c'est du shirk أصغر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذبا معصية والشرك أعظم من الذنب وجنس الشرك أخطر من جنس المعصية والكذب لا يجوز محرم. نعم, il a bien précisé que ça ne veut pas dire que l'insan يتساهل il ment et il jure par Allah et يقول الحمد لله j'ai pas fait de shirk. Là, le mensonge كذلك c'est grave. لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. الكذب c'est une معصية, c'est une كبيرة. فلا نتساهل. فالموحد s'écarte du shirk, il jure par Allah et il s'écarte du mensonge. Au lieu de mentir et jurer par Allah, فلا يكذب. لماذا mentir? Si c'est pour الدنيا, فالدنيا زائلة. هذا أثر ابن مسعود وقلنا أن البعض يقولون أن الصحيح سك عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. dans certaines chaînes de transmission فيها كلام لكن هذا المتن إلى des شواهد فلا شك أن المتن إلى ثابت صحيح. قال شيخ الألباني نعم هذا سند صحيح رجاله إلى آخره. قال الشيخ الفوزان حفظه الله إلى السيتي كذلك نعم ما جاء عن إبراهيم نقرأ وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. ونعم هذا تقدم وهذا ضعيف سأثر عن إبراهيم إلى ضعيف في سنده إسماعيل من إبراهيم التيمي الأحول ضعيف كما في التقريب كما قال المحقق. دونك هذا فيه ضعف. تو سي ألفاظ تقدمت معنا. ميم سي اون دي كو لو أثر إلى ضعيف سا فو با دير كو الكلام إلى ضعيف أون لوي ميم. لا, الكلام إلى صحيح. لا سي شوز يفو با لي دير. لكن من حيث نسبة هذا الكلام إلى إبراهيم النخعي رحمه الله فسي ضعيف. قال الشيخ الفوزان أي سيغ حديث حذيفة الأثر أثر إبراهيم النخعي أنهما يدلان على النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لأنه من اتخاذ الأنداد لله عز وجل. Et tout ça, on l'a vu, ولله الحمد. Et on détaillera أكثر أو on répétera هذه المسألة في باب أظن c'est pas le prochain, c'est l'autre. ما شاء الله وشئت. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله أو كلام الشيخ سعدي نعم قال الشيخ سعدي رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الترجمة السابقة على قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. vous rappelez ce باب c'était في المحبة والأنداد dans le باب précédent et sur le محبة c'était du shirk akbar. Cheikh Saadi rahimahullah, il a cité ce verset dans le sharh pour démontrer an al-andad ça peut être du shirk akbar comme taqaddam, du shirk qui fait sortir de l'islam, et ça peut être كذلك du shirk asghar ce verset qu'il a cité هنا Cheikh al-Islam pour prouver que al-andad c'est du shirk asghar. قال يقصد به الآية يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذا تقدم معنا من كلام الشيخ صالح للشيخ حفظه الله. قال وهذه الترجمة والمراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله جوري باغ أوتر كالله que ça soit الكعبة que ça soit les parents. Vous avez remarqué que celui qui jure خاصة les choses importantes. أما البعض ils se sont habitués à jurer et ils jurent tout le temps. Ils se sont habitués à jurer par leurs parents ou leur tête ou leur vie. Et في الحقيقة même eux ils font même plus attention à ce qu'ils disent. هذا c'est du shirk أصغر لا يجوز. Et l'insan il se force à ça arrive هذا au début quand واحد يستقيم ou il se convertit et il apprend que هذا الفعل c'est haram au départ. ربما الإنسان il a du mal لكن il s'habitue et كما جاء في حديث أنه si il jure par autre qu'Allah فيقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الحلف غير الله c'est du shirk أصغر ولا إله إلا الله c'est كلمة التوحيد. فإي دي كلمة التوحيد pour s'habituer et avec le temps إن شاء الله il enlèvera هذا الشيء. Quand c'est pour une chose importante, vous avez remarqué que celui qui jure en général, il jure par une chose qu'il aime beaucoup et qu'il respecte et qu'il avance. Pourquoi? Pour que un tel il le croit, minannas. C'est pour ça que tu trouves, ils jurent par leurs enfants. Mathalan, wahed, il est accusé d'avoir fait une chose et il veut montrer qu'il n'a pas fait pour être véridique, pour faire apparaître qu'il est véridique. عند خصمه أي celui qui l'accuse il jure par la tête de ses enfants. لماذا؟ لأن ses enfants il les aime c'est les personnes ربما qu'il aime le plus et il tient beaucoup à ses enfants il arrive il jure par ses enfants pour montrer qu'il est véridique. هذا c'est du shirk shirk أصغر لكن c'est du shirk. Ça nous montre هذا أن المؤمن quand il doit jurer أولا il jure pas dans tout. Là الحليف c'est permis لكن الإنسان ne jure pas dans tout. Là, quand c'est une chose importante, نعم. اليمين على من البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Ça montre que c'est permis de jurer. اليمين على من أنكر. Celui qui est accusé d'une chose, celui qui accuse doit amener un dalil, une preuve, et celui qui est accusé, si l'autre il n'a pas de preuve, il jure. Il jure par Allah qu'il n'a pas fait. Ça montre que c'est permis de jurer dans les choses importantes. كذلك quand il jure, il jure par Allah. لماذا؟ لأن الله c'est le خالق. C'est pour ça qu'on doit jurer que par Allah. لأن الله c'est العظيم, c'est الأكبر, c'est القوي, c'est العزيز. أما les enfants, مساكين, ضعفاء. أما ta vie, elle s'arrêtera. Et elle est مخلوقة, ضعيفة. C'est pour ça qu'on doit jurer par Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ladhi la yamut. Mais jurer par autre qu'Allah, c'est forcément du shirk, iyadun billah. Et on répète la base, c'est du shirk, asghar na'am. Qala kal halifi ghayrillah, wa kat tashrik bayna Allah wa bayna khalqihi fil alfad, kalawla Allah wa fulan, wa hadha billah wa bik, wa ka idhafati al-ashya wa wuku'iha li ghayrillah. كلولا الحارس لأتانا اللصوص ولولا الدواء الفلاني لهلكت. صعيب هذا أكوز دو الغفلة الانسوسيانس الإنسان يسكر دو علم يسكر دو قراءة القرآن فيضعف الإيمان حتى يلوبلي دو سيتي الله سبحانه وتعالى. مثلا son enfant il a été guéri assez بفضل الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. Tu dois dire c'est bifadlillah wa lillahi alhamd et tashkurullah subhanahu wa ta'ala. Si tu rajoutes thumma et tu cites al-tabib ou celui qui a fait des efforts, c'est permis. Lakin kamal al-tawhid c'est bien sûr de citer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme minan nas ils sont fi ghafla an hada, il leur arrive une ni'ma et ils oublient. Les cas que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, c'est l'insan, il n'oublie pas. Et même si le site c'est min jihat et sabab, amma al-ba'd, ils oublient complètement. Les malades, à cause de dunya, ils sont ليلا ونهارا في الدنيا et là يتدبرون القرآن بل بعضهم لا يقرأ et ils s'écartent du ilm et ils s'écartent de الجلساء الصالحين فلا شك أن القلب يدفين دور et حتى ces choses très simples et une ni'ma tu dis c'est min Allah فينسوا on fait attention à هذا et on se rappelle لأن ça arrive لكن في النصيحة خير قال ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل أي كذا وكذا كل هذا ينافي التوحيد c'est du shirk asghar c'est ça la base ça diminue التوحيد أما si dans certains cas c'est du shirk akbar on avait cité dans certains cas le halif et dans certains cas dans le dars précédent que c'est du shirk akbar, فهذا, ça annule complètement le tawhid. Lakin la base, c'est que c'est du shirk asghar. قال هو الواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه celui qui cite مرتبة السبب en disant ثم فهذا, c'est pas haram. قال فيقول لولا الله ثم كذا ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. Et ça montre كذلك أن هذا المسلم qui prononce هذا الكلام أنه يكونه التوحيد يكونه des bases في دين الله. C'est pour ça que حتى الفاظه مضبوطة. Et ça nous montre هذا أن الإنسان doit faire attention quand il parle. ولا يكثر الكلام. Il y en a beaucoup de ces معاصي. الشرك الأصغر سي معصية beaucoup de ces معاصي c'est بسبب كثرة الكلام prends l'exemple de l'halif بعض الناس personne leur demande du jury il n'y a aucune حاجة c'est quelque chose de normal ويحلفون بغير الله في الحقيقة ils seraient tu فما وقع في هذا on fait attention à هذا اللسان هذا اللسان c'est une نعمة عظيمة من سخر هذا اللسان في الخير celui qui utilise cette langue fil khair fi qira'at al-Qur'an fi al-'ilm fi al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'ani al-munkar fi al-dhikr ila akhir c'est une ni'ma 'azima montrer la vérité mettre en garde contre le batil et hadha al-lisan ça peut être la cause de l'halak comme fi hadith Mu'ad radiyallahu an ay des ma'asi insulter mentir la médisance shirkun billah ça peut être du akbar 'iyadan billah Ça peut être du kufr insulter Allah, ça peut être du asghar juré par autre qu'Allah. Fal insan il fait attention. Harakatun sahla. Vous avez remarqué que l'isan, c'est le membre le plus facile à utiliser, ou un des membres les plus faciles. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tatakallam rubbama sa'a sans faire beaucoup d'efforts. Et les conséquences, elles sont énormes. Imma fil khayr, man qara'a. حرفاً من القرآن فله عشر حسنة. celui qui lit une lettre du Coran il a 10 حسنة. c'est très simple. si tu prends مثلاً en une minute combien de lettres tu vas lire؟ ربما tu vas lire un وجه ou une صفحة en une minute. combien de lettres il y a؟ enfin multiplie s'il y a 100 lettres multiplie par 10 ça fait 1000 حسنة. la conséquence le résultat il est énorme لله الحمد. كذلك في الشر La conséquence, elle peut être catastrophique, ayyadun billah. Inna ar-rajul, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yatakallam bil-kalima, la yulqi laha balan, tahwi bihi fil-nar sab'ina kharifa. Ay, certains, ils disent une kalima, une parole, et ils ne font pas attention. Ay, pour eux, ce n'est pas grave, cette parole, elle les plongera fil-nar 70 ans. Hakada qala sallallahu alayhi wa sallam. On fait attention à هذا اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الباب إلى مختصر اللسان. قال on finit فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. فالشرك ça peut être dans le cœur كمن يعتقد celui qui croit أن tel sorcier connaît l'invisible c'est du shirk akbar. Taqaddam, ça c'est dans le cœur, même s'il ne prononce pas, il a cette croyance. Ça peut être un qawl, مثلا juré par autre qu'Allah, c'est du shirk asghar. Ça peut être un fi'l, celui qui se prosterne devant une créature, devant une idole, iyadan billah. Hada, c'est du, il a adoré autre qu'Allah avec hada sujoud, c'est du shirk. On fait attention au shirk, au tendid. Il aqwa al vil i'tiqad wa vil aval. Wa min awdal al kutub fi bayan هذه الأنواع من الشرك هذا الكتاب كتاب توحيد bien sûr القرآن قبل ذلك لكن من حيث المؤلفات من البشر avec des تقسيمات avec des أبواب كتاب توحيد والله الحمد il est basé sur des آيات et des أحاديث ثم قال نقرأ الباب suivant il est très simple قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن نعم هذا الحديث فيه ضعف فيه محمد بن عجلان يضطرب في حديثه عن نافع لأن الإسناد سي محمد بن عجلان عن نافع محمد بن عجلان عن نافع وبعض العلماء يغشت ست رواية فيها اضطراب لكن إلى دي الشواهد خاصة لديبيو لا تحلفوا بآبائكم هذا المعنى اللي موجود في الصحيح هذا الباب قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب توحيد أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيم الرب جل وعلا قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أي جوغي par autre qu'Allah c'est du shirk من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر donc ne jurez pas par vos parents on n'a pas le droit à ça Même si l'insan l'aime ses parents, il les respecte. Si tu dois jurer et c'est important, fahlef billah. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur ne le laissera pas mentir. C'est pour ça qu'on doit jurer par Allah. C'est pour ça que si tu es accusé, le hadith qu'on a cité précédemment, et celui qui t'accuse, il n'a pas de preuve. Lakin, s'il n'a pas de preuve, ça ne veut pas dire qu'il ment. Kamilanas, ils accusent des gens, là, ils n'ont pas de preuves. Et il sait que c'est vraiment Foulan qui a fait ou qui a dit, là, il n'a pas de preuves. Pour sortir du Ishkel, il n'a pas de preuves. On peut pas prendre sa parole, même s'il est véridique. Là, ils font une preuve. L'imada, l'anna, il va avoir un jugement sur une autre. Wamin al-adl, la justice, il faut une preuve. Il n'a pas de preuves. Ça ne veut pas dire que l'autre, il est innocent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a démontré que celui qui est accusé il jure. Limada, l'anna si c'est un mu'min et il a l'iman al-qawi, il connaît le tawhid wa yakhaf min Allah. Il pourra pas jurer en mentant. Maintenant on va lui le juge il va lui dire jure que tu n'as pas fait. S'il a vraiment fait, il jurera pas. Fa ça sera une qarina le qadi saura pourquoi tu jures pas. Thumma Peut-être que ça montrera qu'il a fait. Hada. Amma les parents, ou les enfants, ou tabi, ou le Ka'ba, les makhlouqa, la yajouz, de jurer par le Ka'ba. Ou ba'dhoum ils jurent par Mekka, ou. Hada, tout ça la yajouz. Al-halif, c'est billah. La ta'halifu bi'aba'ikum. Man halafa billah, fal yasduq. Celui qui jure par Allah, il doit dire la vérité. Wa man hulifa lahu billah, fal yarda. Et si wahid, il jure par Allah. Un de tes frères, matalan, et jure par Allah, annahu, il n'a pas dit sur toi kada, ou il n'a pas fait kada, ou il a fait kada. Enfin, tu dois le croire. Man halafa lahu, man hulifa lahu billah, fal yarda. Wa man lam yarda, falaysa min Allah. Lakin, ce hadith, il est daif. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, anna adam al-rida bil halif billah, yunafi kamal al-tawhid, lidalalatihi ala qilla ta'zim al-rab, jalla wa ala. Lianna celui qui azzam al-rab, حق التعظيم quand on jure par Allah il accepte لماذا لأن المسلم هذا il a juré par Allah ton frère maintenant il te jure والله أنه je n'ai pas dit كذا tu le prends à l'ظاهر il a juré par Allah فالحمد لله ça veut dire qu'il n'a pas dit est-ce que il y a des exceptions on doit croire même un menteur هذا لا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما بالنسبة للمحلوف له فهل يلزمه أن يصدقه أم لا؟ قال المسألة لا تخلو من أحوال خمسة. Il y a plusieurs cas. On va citer quelques exemples. قال شيخ ابن عثيمين أولا أن يعلم كذبه. مثلا on sait que هذا الشخص est un menteur. Il est connu بالكذب. ثم يقول والله que j'ai pas dit كذا sur toi. Est-ce que tu vas le croire s'il est معروف بالكذب؟ في هذا الحال tu ne le crois pas s'il est ma'rouf bil kadib. Khassatan, c'est une personne de confiance, elle témoigne, elle te dit mathalan, na'am, il a dit hada, je l'ai entendu. Enfin, on va croire qui? Là, chaque on va prendre la parole de la personne de confiance. Et l'autre, même si jure par Allah, ça reste un menteur. Qala, deuxième cas, an yatarajjah kadiba. Fakadhalik la yalzam tasdiqu. Premier cas, on est sûr que c'est un menteur. Deuxième cas, yatarajjah. C'est pas sûr, lakin fi ar-rajih à 70% 80% qui ment. Voilà, chacun personne fi hada al-hal nous dit de le croire. Là. Troisième cas 50-50. An yatasawa al-amran. Qala fa hada yajib tasdiqu. Fi hada al-hal on le croit. On a un doute, on a 50-50, on le croit. Et madal il en fait pencher al-zahir. En apparence, il a juré et on sait que Robama Yakdib 50-50, on le croit. Qala al-rabi' an yatarajjah sidquh. Fa hada la shak anna on le croit. Ay c'est pas 100% lakin des grandes possibilités qu'il yaqul al-haq. Fa on le croit. Et la shak la dernière an yu'lam sidquhu fa hada yajib. On sait que il est véridique, fa la shak anna fi hada al-hal yajib tasdiquh. Ay on affirme annahu il dit la vérité. على كل حال الشيخ سعدي ونبع عن هذا في الشرح ان السيل معروف بالكذب فلا احد يقول مثلا يسيت حديث الحديث اولا فيه ضعف لكن على صحته من حلف بالله ومن حلف له بالله فليرضى مثلا واحد يقول لكن الى جوري par الله تعظيما لله on doit le croire. لا ça contredit pas التعظيم s'il est connu par le mensonge. Ça reste un kadhab. Et son parole, il n'est pas maqboul, même s'il jure. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah. Bab man lam yaqna' fi al-halif billah. Wa yurad bi hadha, idha tawajjahat al-yamin ala khasmik, wa huwa ma'ruf bil-sidq, aw zahiruhu al-khayr wal-adala, fa innahu yata'ayyan alayka al-rida wal-qana'a bi yaminih, li annahu laysa indak yaqinun yu'arid sidqa. Et ça, c'est un point très très important, que ça soit fi ma yata'allaq bil halif, quand quelqu'un jure ou des autres masail, on doit daiman appliquer hada, on prend bil zahir. Faites attention de ne pas rentrer fi niyat, khassatan quand l'apparence il y a rien qui la contredit. Fa li hada qala Cheikh Sa'di rahimahullah li'annahu laysa 'indak yaqinun yu'arid sidqa. Il faut un yaqin, quelque chose de sûr qui prouve que cette chose qui fait apparaître, c'est pas vrai. Si on prend l'exemple du halif, il jure. Thumma on rejette son kalam, bien sûr, on doit avoir quelque chose. Et taqaddama at-tafsir. Et hada, on a dit, c'est pas que dans le halif. Ton frère, s'il est à la khayr, si l'apparence il est à la sunnah, wa yatakallam bis sunnah, et il aime ulama sunnah, si on prend cet exemple, matalan fil ashkhas, fala yajouz qu'on délaisse hadha al-yaqin et on l'accuse. On l'accuse de bid'a, ou ayyadun billah de nifaq, wa ba'dhum yaf'al hadha. Et ça montre qillat al-wara. On le prend ala al-zahir. Kama ja'a fi athar Umar radiyallahu anhu, annahu il a démontré anna fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la révélation elle descendait. فلهذا الله سبحانه وتعالى فضح المنافقين في سورة التوبة par exemple. Dans beaucoup de versets, في سورة الأحزاب كذلك. Et des awsaf qui sont cités, ça montre que c'est des munafiqun. Enfin, à l'époque, celui qui faisait ça, il était ma'rouf bin nifaq. Le verset est descendu. فعمر رضي الله عنه, il a démontré après la révélation, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a plus de révélation. On prend les gens en apparence. فمن أظهر الخير إلي على الخير ومن أظهر الشر إلي على الشر. On fait attention à هذا. On vit à une époque أن البعض Rabbama, son frère, il lui montre le khayr, il fait le khayr, et il l'accuse avec des choses, il n'a aucun burhan, aucun délit. Wahada, avec les proches, ou le qarib, ou le ba'id. On fait attention à l'injustice. Et avec nos proches, avec nos amis, avec ceux qui te suivent, ceux qui sont avec toi. On ferme les yeux quand il y a un khata ou quand il y a des choses. Et avec le ba'id, rabbama, hasala baynak wa baynahu shay. Et même s'il est à la khir, on essaye de trouver quelque chose. Ça, c'est min qillat al-insaf. On fait attention. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam ma fi s-sudur. Et al-adl, c'est une sifa aziza, hamida. Cette règle, elle est très très importante. Ala al-dahir. La tatakallaf. Mais peut-être, mais là. Dès l'asma et peut-être. Il fait apparaître le khir, il est à la khir. Et هذا, pourquoi Bardanas ils essayent de ne pas prendre les gens en apparence, ils essayent de rentrer dans le niya. At-takalluf. At-takalluf, c'est s'imposer une chose. Est-ce que Allah t'a imposé de savoir ce qu'il y a dans son cœur? Là, al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, c'est sur l'apparence. Amma les cœurs, fa Allahu a'lam. Ashaqaqta 'an qalbih. Vous connaissez هذا الحديث. Hadith Usama ibn Zayd رضي الله عنه. Quand il était en face d'un mushrik et quand il a eu le dessus, wa arada an yaqtulah, ce mushrik il a dit la ilaha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalimat at-tawhid. Est-ce qu'en apparence c'est du tawhid? Naam. Usama radiyallahu anhu ijtahada fa qatala. Il l'a tué. Falamma ukhbira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère contre Usama, ma annahu yuhibbu. Lakin, ça nous montre, c'est un dalil, même avec le proche, même tu l'aimes, quand il faut hausser la voix, quand il faut montrer, ben, il faut le faire. Belle, celui qui aime vraiment son proche, ben, il lui montre, et il le conseille. Enfin, Usama, radiyallahu anhu, il a démontré au prophète sallam, lakin, il a dit parce que kada, il a akhiré. Et là, chek, y a un wajj, ijtihad de Usama, y a un wajj, ça peut être comme ça. Il a eu peur de se faire tuer, enfin, il a prononcé la parole de l'islam. Hatta son sang, il est préservé, il ne se fait pas tuer. Ça peut être hakada. Lakin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré cette qaïda muhimma. Il a dit à Usama, ashaqaqta an qalbih. Est-ce que tu as ouvert sa poitrine ou tandur? Dans son cœur, est-ce qu'il est mukhlis? Hadith, c'est une qaïda. Il a démontré à Usama, tu le laisses à la vahir. Il a dit shahada, il ne se fait pas tuer, c'est un musulman. Mais avec le temps, bien sûr, ça va apparaître, est-ce qu'il est sadiq amla. Mais sur le coup, il faut le laisser. Ça, c'est un dars azim pour nous. On prend les choses en apparence, ou al-hadar de at-takalluf, s'imposer. Vouloir dépasser les limites, vouloir aller plus loin, mais peut-être il a dit parce que autre que hada. Et ça, c'est une maladie, al-ba'd, il s'occupe beaucoup des autres, et il s'oublie eux-mêmes. Il est en apparence, alhamdulillah. Même s'il est à la char, on qadrana où il est mauvais, est-ce qu'il va te faire du mal? Il ne peut rien te faire, illa un yasha'Allah. On s'occupe de nous-mêmes et les autres. On n'est pas comme Ahlul Bida' wa Tamir wa Dhalal, annahum mutlaqan, ils disent faut pas parler des autres, ça c'est batil. Là, les autres, an-nasiha wal amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar min hadha al-bab al-jarh wa at-ta'dil la akhir, c'est en apparence. Man adhara khayran il est 'ala khayr, man adhara su'an il est 'ala su'. قال الشيخ رحمه الله وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات أو دعا الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد. نعم البعض يسمع هكذا quand il y a un problème. Rubama, il ne jure pas par Allah subhanahu wa ta'ala. Il va jurer par ses enfants, ou il va jurer s'il fait telle chose, fa'alayhi kada, ou bit talaq. Tout ça, c'est pas taillé. Si c'est quelque chose d'important, al-halif billah yakfi. Lakin, vu que ba'd-nas, on répète, ibta'adu anit tawhid, les cœurs, ils ont durci, rafla, ignorance, Rubama, tu jures par Allah, par une chose importante, et il peut te dire, tout le monde jure par Allah. Enfin, jure sur tes enfants, si tu tiens vraiment à tes enfants, et avant annaka, vu que tu tiens beaucoup à tes enfants, tu ne vas pas mourir. La, qalb al-muwahid yakhaf min Allah, dis-lui de jurer par Allah, c'est ça, al-aham. قال لأن ذلك سوء أدب سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما من عرف منه الفجور ça c'est l'exception qui fait sortir de du hadith على صحته أي الكلام qu'on a cité de Cheikh Ibn Uthaymin أي c'est pas على الإطلاق أنه si quelqu'un jure par Allah on accepte sa parole لا قال وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله أعلم. On est sorti de l'apparence de la règle هنا. Pourquoi? Et là on a une قرينة, on a quelque chose qui prouve. إما يقين 100% إما على الراجح كما قال شيخ ابن عثيمين. المهم هناك quelque chose qui fait sortir de l'apparence. Il jure et il est معروف بالكذب. إما il a menti à 100% في هذا إما il est معروف بالكذب. Donc il peut mentir. Donc لا يلزم صدقه كما قال شيخ ابن عثيمين. هذا. Donc ça vous montre هذا. Il y a des choses qui font sortir de cette règle. Et l'apparence, prendre les gens sur l'apparence, si on a une قرينه, un indice, une preuve qui montre أنه إيمان ففي هذا الحال سيجور إيمان فلا أحد يلزم بقبول خبره هذا والله تعالى أعلم.